Message 1. Coucou Vincent. Tu arrives à la fac en bus? Prends le bus numéro 7. L'arrêt de bus est en face de la fac.